Le talisman. Quand le voyageur, venant de la place Saint-Augustin, débouche de la rue de la Pépinière, il trouve sur sa gauche un imposant monument qui n'est autre que la gare Saint-Lazare et qui se trouve précédé en cet endroit d'un vaste enclos entouré de grilles qui a reçu le nom de Cour de Rome. Ce n'est point là, ainsi que ce nom pourrait le faire croire, que se réunissent les courtisans du roi d'Italie ou les cardinaux du Saint-Siège. La cour de Rome est surtout occupée en son milieu par des autobus qui vont de la gare Saint-Lazare au château d'Eau ou à la pointe Saint-Eustache. Ces voitures font entendre, quand elles marchent, un bruit épouvantable de vaisselle brisée. Ce bruit est remplacé, quand les encombrements les forcent à s'arrêter sous le frein, par les cris de 50 enfants égorgés et d'autant de veaux suppliciés qui gémissent dans les roues. Le long des grilles, à l'intérieur, la cour de Rome est ornée de petits édicules autour desquels se presse constamment un grand nombre de voyageurs. Le vicomte Gaston, descendant du train de Maison Laffitte, avait pris son rang dans une file d'hommes de tout âge qui attendaient leur tour à l'entrée d'un de ces édicules. Il allait y pénétrer quand il entendit derrière lui les plaintes douces d'un vieillard modestement vêtu. N'écoutant que son bon cœur, le vicomte Gaston lui céda son tour. Et le vieillard, sans avoir le temps de remercier, se précipita dans une stalle vide. Quelques instants après, le vicomte eut à sa disposition une autre stalle. Il sortit bientôt de la cour de Rome et ne pensait plus à cette banale aventure où il avait donné une preuve de sa courtoisie, moins pour ce vieillard inconnu que pour sa satisfaction personnelle. Le jour tombait. Gaston avait pris à pas lents la rue de l'Arcade. Au coin de la rue des Mathurins, dans un petit carrefour à peu près désert, il se trouva en face du vieil homme dont les cheveux gris, sous le feutre un peu usé, brillaient d'une lueur surnaturelle. « Je suis le bienheureux saint Athanase, dit le vieillard avec un fort accent du midi. Tu m'as rendu tout à l'heure un grand service, car je souffre d'une maladie de la vessie. Pour récompenser ta piété, je vais te faire un don inestimable. Le premier bossu que tu rencontreras, passe-lui la main 3 fois sur sa bosse, et durant 24 heures, la chance te favorisera dans tout ce qu'il te plaira d'entreprendre. » Le lendemain, à 5 heures, en descendant du train d'Achères, le vicomte Gaston rencontra dans la cour de Rome un de ces vieux facteurs de la maison Bonarbido qui vont distribuant des prospectus chez les concierges. Le facteur avait une bosse magnifique. Le vicomte, selon les recommandations, lui passa la main 3 fois sur sa bosse. Puis, le soir même, il se rendit au cercle, joua un jeu d'enfer et perdit 52 000 francs. Le lendemain, il alla aux courses d'Auteuil et perdit 74 000 francs. Après les courses d'Auteuil, il revint dans la cour de Rome et attendit le bienheureux saint Athanase dans l'intention de lui flanquer une tournée. Le bienheureux saint Athanase descendit lentement d'un autobus consacré au bienheureux saint Eustache. Le vicomte Gaston s'approcha et, avant d'en venir aux voies de fait, il exposa dans un langage violent toutes ses rancunes. « Voyons, voyons, dit paisiblement saint Athanase, avez-vous bien, comme je vous l'ai recommandé, caressé la bosse d'un bossu ? Absolument. Dit le vicomte. Et tenez, c'est celle de ce bossu-là. » Et il lui montra le vieux facteur de Bonarbido qui entrait précisément dans la cour de Rome. Alors le saint éclata de rire. « Ça, un bossu » s'écria-t-il. « C'est un facteur qui tourne ses paquets d'imprimés dans son dos, sous sa pèlerine, pour les préserver de la pluie. »